C'était la dernière de Radio Casse-Croûte. Je passe le relais à On s'écoute ça tout de suite, avec Vincent et Noé. Merci d'être à l'écoute de Super Chaussette FM. Bonjour et bonsoir si vous nous écoutez le soir et bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite numéro 2, toujours en compagnie de Vincent. Ouais, salut. Alors Vincent, je pense que tout le monde se le demande. Oui. En tout cas, on a laissé des indices sur Facebook, mais bon, c'était assez dur. Alors, dis-nous, sur quoi porte l'émission d'aujourd'hui ? Sur les housses de canapé. Sur les... mais exactement. C'est exactement ça. Non, plus sérieusement. Parce que... L'émission d'aujourd'hui va traiter des covers, des reprises en tout genre, de toutes sortes, de toutes chansons. Ça va être très bien. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'une reprise ? Pour toi, qu'est-ce qu'une reprise ? Moi, ce que j'attends d'une reprise, c'est qu'on m'emmène dans un univers complètement différent de l'artiste d'origine. Si c'est une reprise qui reprend texto, l'œuvre originale, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour ça, moi, j'essaie toujours de trouver des trucs complètement différents de l'original. D'accord, très bien. Et ben, on va commencer tout de suite avec une reprise qui n'est pas du tout différente de l'original. Ouais, mais je vais juste faire un petit préambule, si ça ne te dérange pas. Et oui, parce que... Je tiens à préciser qu'il y a peu de chances que les gens aiment ma playlist aujourd'hui. Hein. Parce que ça va partir dans tous les sens. J'ai fait des choix un peu controversés. Je vais peut-être me faire renier par mon père, hein, qui va sans doute écouter et qui va me dire « T'aurais pu me mettre mieux que ça quand même. » Mais je m'en fiche, c'est notre émission et on fait ce qu'on veut. YOLO, voilà. Comme disent les jeunes. Alors, on commence tout de suite, donc comme je l'ai dit, avec une reprise qui ressemble à l'original. Mais en fait, j'aime beaucoup l'original, alors j'avais envie d'en parler. C'est Lonely Boy, une chanson des Sex Pistols qui est reprise par The Cute Lepers, qui n'a rien à voir avec Julien Lepers. En fait, The Cute Lepers, c'est un groupe d'Américains, un groupe du chanteur qui s'appelle Stevie Nicks. Rien à voir avec la chanteuse country, je crois, Stevie Nicks, chanteuse de country. Je ne sais pas du tout. Du même nom. Ça sonne un peu comme du Sum 41 ou du Blink-182, mais c'est un visuel vachement anglais, c'est sympa. On s'écoute ça tout de suite. Bon voilà, j'ai écouté un petit peu ce que faisaient les cutes le Perse à côté, et c'est pas super super terrible, franchement c'est vraiment pas super terrible. Genre de groupe qui fait toute sa carrière sur une reprise et puis voilà. Ouais voilà, bah à vrai dire ils sont pas connus, en fait ils ont un autre groupe, c'était pendant le hiatus de The Briefs, c'est un groupe punk américain assez connu quand on aime bien le punk américain. Et voilà, pour ce qui est de la chanson, alors du coup c'est Lonely Boy des Sex Pistols, elle est tirée de la BO du film The Great Rock'n'Roll Swindle, qui raconte l'histoire romancée du groupe, qui est réalisé par Julian Temple, si certains connaissent, qui est un grand réalisateur au niveau du rock. Et beaucoup considèrent la BO comme le second album des Sex Pistols, mais pas du tout, en fait c'est une BO, c'est tout, il y a plusieurs artistes dessus, et à vrai dire Johnny Lydon était déjà parti. Du coup, le groupe ne ressemblait plus à grand chose. Là, celui qu'on entend qui chante sur Lonely Boy, sur l'original, c'est Steve Jones qui va faire un groupe avec Paul Cook, après qui va s'appeler The Professionals. Donc, c'est un peu une période transitoire entre les deux. Mais la chanson est sympa, c'est une chanson d'amour. Il n'y en a pas beaucoup des chansons d'amour dans les Sex Pistols. Ah, bah non, ça c'est sûr. Mais des chansons sur la drogue ou. Ouais, il y en a ça. Non ? Non, pas trop. Les filles, les gonzesses. Sex Pistols, ils font des chansons. Il y en a une très bien sur l'avortement. Ah, ouais, bon, c'est vrai que. Qui s'appelle Bodies, sur l'anarchie, bien sûr, Anarchy in the UK. C'est très social en fait les thèmes. Alors après une reprise des Sex Pistols, je te propose hein, si tu veux. D'une part on va rester dans les années 70, on va rester au Royaume-Uni et on va passer du punk à la New Wave avec Joy Division. Hein. Ah ouais, c'est intéressant parce que justement les Sex Pistols ça a été une des influences majeures de Joy Division. C'est ce qui a un peu poussé les membres de Joy Division à se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont ramené le rock'n'roll un peu dans la rue en fait. À l'époque ouais. C'était les gros dinosaures, eux ils ont ramené tout ça dans la rue. Et donc j'ai choisi le morceau Shadowplay, hein. C'est un morceau de l'album Unknown Pleasure de 79. C'est un album qui est souvent très bien placé, tu sais, quand on parle des top 100 des meilleurs albums anglais. Ouais, ouais, il y a plein d'hipsters qui ont des t-shirts aussi. Ouais, exactement. Qui n'ont jamais écouté l'album. Et Shadowplay, c'est quand même. Mais c'est pas non plus le morceau le plus emblématique de l'album non, et du groupe, hein, justement. Mais bien sûr, nous n'allons pas écouter le morceau original, hein, ce serait trop simple. On va écouter une reprise de The Killers de 2007. Donc on en discute après, on s'écoute ça tout de suite. Yeah. Une reprise qui fait plutôt bien le taf, hein, je trouve, personnellement. Ah, les Killers, c'est un bon groupe. Ouais, c'est un bon groupe, c'est un bon groupe. Je les avais vus en concert au Vieille Charrue, c'était vraiment, vraiment sympa. Même si Rolling Stone Magazine a descendu ce morceau en flèche en disant que ça n'aurait jamais dû sortir, hein, mais bon, c'est un morceau que vous pouvez entendre sur l'album de B-Sides de The Killers qui s'appelle Sawdust. C'est un album qui est pas mal du tout, hein, y a vraiment des bons morceaux qu'on connaît pas vraiment. Ils ont d'ailleurs déjà pu jouer sur scène avec le guitariste de Joy Division, Bernard Sumner. Mm-hmm. Et là, je sais pas si t'as déjà vu des images de Joy Division en concert. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as déjà aperçu l'attitude très bizarre de Ian Curtis sur scène? Et oui, parce qu'il avait une maladie, ce petit. Et oui, bah, il était épileptique et ça lui arrivait d'avoir des crises et des spasmes sur scène, et apparemment en fait il en jouait des fois aussi. Oui, hein, oui, pour, il a voilà. construit son jeu de scène autour voilà, de ça. Mais apparemment, certaines fois il avait vraiment des crises d'épilepsie sur scène. Voilà. Et si vous regardez bien le clip de The Killers hein, sur ce morceau, et ben, vous pouvez avoir en toile de fond apparaître des inspirations de Joy Division, par exemple les Sex Pistols, hein, mm-hmm. et comme par hasard, une des idoles de Ian Curtis, David Bowie, et justement de Noé. David Bowie. Oui, on va en parler avec David Bowie parce que vous savez qu'il est mort il y a un mois maintenant. On a enregistré cette émission. Voilà. Et je voulais faire en fait un double hommage post-mortem avec une seule chanson, combo comme on dit, avec Friday on My Mind du groupe des Easy Beats, qui est interprété donc par David Bowie. On retourne en 73 pour le tout dernier tour de piste de Ziggy Stardust. Bowie réunit pour la dernière fois ses Spiders from Mars pour un album de reprise des Glorious 60s. On s'écoute ça tout de suite. Monday morning feels so bad. Everybody seems to lie. Me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so sweet. Nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I changed that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette reprise, c'est les petits chœurs et puis le ralentissement de tempo au refrain que Bowie a rajouté. Et ben, je la trouve vraiment chouette. Pourtant, la plupart des critiques sont assez véhémentes par rapport à cette reprise. Moi, je la trouve vraiment super. Je l'aime autant que l'original. D'ailleurs, pour parler de l'original, il faut savoir que les Easy Beats, c'est le premier groupe de rock australien à avoir fait un succès international avec cette chanson. Est-ce que tu connais un autre grand groupe de rock australien? AC/DC. Exactement. Voilà. Et tu sais quel lien y a-t-il entre les Easy Beats et AC/DC? Je sais pas, est-ce qu'il y en a un qui est mort dans son vomi? Non. Non. Non, c'est un peu plus glorieux que ça. Ce qu'il faut savoir avec les Easy Beats, c'est que le duo, le chanteur et le guitariste, Vanda et George Young, Ils ont produit tous les premiers albums d'AC/DC jusque l'album Power Edge qui est juste avant le grand Great Wall. Et ce qu'il faut savoir c'est aussi c'est que George Young c'est le grand frère de Malcolm Young et Angus Young qui vont tout casser 10 ans plus tard après la chanson avec AC/DC. Donc voilà, c'est le c'est une affaire de famille en fait. Exactement, en fait, c'est une vraie famille de musiciens d'artistes, la famille Young. Ok, donc c'est à moi et j'ai longtemps hésité avant de mettre ce morceau, hein. La pression sociale, c'est le regard des autres, tu vois, mais non, je me lance. En 1983, le groupe de New Wave, Tok Tok, sort It's My Life, hein. C'est un des morceaux les plus connus du groupe, mais paradoxalement, c'est un des morceaux qui a bien marché partout, sauf au Royaume-Uni où ça n'a pas tellement marché au final. It's My Life est sorti sur l'album du même nom, et d'ailleurs, si vous êtes joueur, je m'adresse aux joueurs de jeux vidéo, si vous avez joué à Saints Row the Third ou GTA Vice City, vous pouvez entendre ce morceau dans les radios du jeu, hein. Donc le morceau ne vous sera pas inconnu. Mais la version reprise que j'ai choisie, c'est la version de No Doubt avec Gwen Stefani, hein. Donc je propose qu'on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. Could buy my reasoning, I'd pay Alors, je sais pas pourquoi, j'adore ce morceau, mais voilà, c'est sûrement parce que ça me renvoie à moi quand je rentrais du collège, tu sais, avec les petits MP3 clés USB de 128 mégas. Et en plus, tu pouvais mettre 20 chansons dessus. Ouais, et en plus, c'était un morceau que j'avais réussi à télécharger illégalement, et à mon âge, j'étais hyper content. Hein. Donc, j'avais téléchargé. Tu prenais pour un pirate. Voilà, j'avoue tout, j'avais complètement téléchargé légalement ce morceau. Mais... Alors, en préparant cette émission, j'ai été franchement étonné parce que No Doubt, c'est un groupe qui existe depuis quand, à ton avis? Les années 90 Depuis 1987. Hein. Ils ont quelques albums à leur actif, donc j'étais assez étonné. Parce que dans mon esprit, c'était un peu le groupe qui apparaît au début des années 2000, ils font un ou deux tubes puis ils disparaissent. Il y avait Gwen Stefani qui avait vachement bien marché en solo en 2004, je crois, 2005. Ouais, c'était ça dans mon esprit. Et d'ailleurs, ils ont fait du ska, ils ont fait du reggae, du punk. Ah ouais, c'est super sympa. Ils ont fait de la new wave. Ouais, je connaissais pas du tout. Donc moi, je pense que j'allais peut-être écouter ça de plus près parce que c'est un groupe assez connu. Et parce que ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment réussi à se détacher de l'original, et c'est généralement ça ce que j'aime dans une reprise en fait. Elle est très connue d'ailleurs, cette reprise de Nodab. Bon, on enchaîne tout de suite, sans transition, avec Shutdown, qui n'a rien à voir. C'est une chanson de Skepta. C'est un artiste anglais qui fait du grim. Qu'est-ce que le grim? Tu m'as montré l'autre jour, c'est pas trop mon truc. Hein. Non, enfin, faut aimer. En gros, ça marche vachement bien en Angleterre. C'est un espèce de rap avec des gros beats assez lourds, assez groovy et des rythmes un peu dance caribéen. Faut écouter, on va pas en mettre tout de suite là, parce qu'on a une reprise qui diffère quand même assez de l'original. Mais les artistes le plus connu en tout cas, c'est DJ Rascal. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Qui a vachement fait parler de lui, qui avait fait un très bon morceau avec les Arctic Monkeys, qui était en face B du single Brainstorm, si je me souviens bien. Et là, on s'écoute Shutdown par les Anglais de Slaze. On s'écoute ça tout de suite. Have you ever been to Moat Park in Maidstone when it's shut down? No. It's so lovely. Man's never been in. It's shut down. That's not me, and it's shut down. Ring, ring, ring, and it's shut down. Fashion week, and it's shut down. Went to the show, sitting in a front row in a black jack suit, and it's shut down. Touch the road, and it's shut down. Boy, better know, and it's shut down. Yeah, take time if a man wanna try me. No time, you say more when I'm on up on stage. I pick up the mic and it's reload time. Don't know your songs, but they're mine. That's why I get beat just like Joe Grime. After the show, I'll be rolling mine. Don't get back to no smoking sign. They try to steal my vision. This ain't a culture, it's my religion. God knows I don't wanna go to prison. If a man wanna try me, trust me, listen. Me and my G's ain't scared of police. We don't listen to no politicians. Everybody's on the same mission. We don't care about girls about excuses. It's shut down, that's not me and it's shut down. Ring, ring, ring and it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show, so they put a front row with a blackjack doing it, it's shut down. Touch the road and it's shut down. Boy, better know it is shut down. You wanna act like a chief for the camera. You say you're Muslim, you say you're Rasta. So you don't eat pork, don't eat. Liar, you're just an actor. Blood, you're not on your dean. And it's the last I saw you, he would say blood. Take off the red, gold and green. Them men are soft just like ice cream. See, start moving correctly. You don't wanna upset me, you get me. You're trying to show me a friend that you told me before. That don't impress me. Respect me when you see the man them are selling out Wembley. Roll deep in a blacked out Bentley. Put up outside like sexy. Yeah, it's shut down. That's not me and it's shut down. Ring, ring, ring and it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row with a black jacket and it's shut down. Cross the road and it's shut down. Where better go and it's shut down. A bunch of young men all dressed in black dancing extremely aggressively on stage, and it made me feel so intimidated, and it's not what I expect to see on prime time television. I'm in a different class. When I come to you, I'ma bring my dogs. Two by two, man, I walk on the art. Sitting in the front, just like Rosa Parks. Trust me, you don't wanna see me get dark. I'm sick, cause man, I wake up right now when it's all happening oh so fast. I was in Paris, shut down lot. New York, shut down Central Park. Talk about London, oi Lori, where should I start? Walked in, packed in 16 bars and itching every one of them came for the heart. None of my lyrics are stolen, Gordon, Gordon, that's my slogan. Wanna know how I did it with no label, no aimless songs, and I told them. Yeah, I just shut down, that's not me and it's shut down. Ring, ring, ring and it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black track suit and it's shut down. Touch the road and it's shut down. Boy, I know when it's shut down. Yeah, I shut down, that's not me and it's shut down. Shut down, touch a wing and it's shut down. Went to the show, sitting in the front row with a black jack suit and it's shut down. Toss a road and it's shut down. Move it on and it's shut down. Et voilà, c'était Shutdown par l'excellent groupe Slaves qui ont sorti un super album cette année qui s'appelle Are You Satisfied, que je vous conseille. C'est toi qui m'as fait découvrir Slaves et c'est vachement bien. Et bah oui, et c'était par le biais d'une chronique dans la cour des miracles, notre second podcast que je vous invite à écouter. Ouais. Pour en revenir à la chanson, c'est un espèce d'ego trip dans le rap, ça se fait très souvent, avec des paroles assez marrantes, et c'est sympa de voir des espèces de punk moderne. Je sais pas comment on peut appeler le style de Slaves. Je sais pas du tout. Parce que c'est moderne, et en même temps ça fait très punk, et en même temps, enfin, c'est assez particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont que deux. Il y a le guitariste, d'ailleurs le petite anecdote, c'est qu'il a été élu meilleur guitariste du monde par les, par les lecteurs de Total Guitar cette année. Ouais. Il a une petite, une toute petite coupe de 5 cm avec marqué Bass Guitarist, il doit et un chanteur-batteur qui joue debout. Avec oui. Juste un tom, une caisse claire et puis deux cymbales qui jouent un peu comme un bourrin. Mais comme ouais, autant des Stray Cats, le batteur de Stray Cats jouait comme ça. C'est vrai, sauf ouais. Que lui, le Stray Cats, il avait sa grosse caisse au pied, ouais. Lui il a carrément juste le tom, il a pas de grosse caisse. Et je pense que c'est un groupe qui ira très loin, en tout cas j'ai hâte de voir leur prochaine livraison. Alors, puisque toi, après tu m'as dit que tu voulais faire deux morceaux d'affilée, je vais en faire deux maintenant, deux morceaux d'affilée, et on va attaquer Tom Waits. Alors là, c'est un peu un monument du blues rock américain dont je vais parler. Si vous connaissez pas, je dois préciser qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une voix reconnaissable entre des millions, hein, tout simplement. Ouais. Il a une voix très rocailleuse, et en fait, je suis même pas sûr qu'une vie de tabac et d'alcool suffise, parce qu'en fait, selon une rumeur, pour avoir une telle voix, ça lui arrivait souvent de crier toutes ses forces dans un oreiller pour se déglinguer la voix, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui explique sa voix, apparemment. Et le morceau en question, c'est Red Shoes by the Drugstore, hein, c'est tiré de l'album Blue Valentine, mais c'est aussi repris par un groupe qui est pas si connu que ça, au final. Hein. C'est The Wedding Present, je sais pas si tu connaissais. The Wedding Present. Non. Non, et ben, tu vas voir. C'est... Écoutez le délicieux accent de la voix du chanteur, hein, David Gage. Alors, c'est une voix qui lui a valu beaucoup de critiques, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui se moquaient de sa voix, comme quoi il n'arrive jamais à tenir une note. Bon, bref, vous allez voir. Donc, The Wedding Present, Red Shoes by the Drugstore, version originale de Tom Waits, et on s'écoute ça tout de suite. She wore red shoes by the new stand, as the rain splashed in the car, and spilled like sleep all along the midway. There's a little blue jay in a red dress on a sad night, one strong. Away by the magazine, he had to take care of some business, it seems. Bring a raincoat, bring a suitcase, bring your dark eyes, and wear those red shoes. There's a dog huddle at the bus stop. Umbrellas arranged in a sad bouquet. Little Caesar got caught, he was going on down the second, he was cool. Changing station. Alors en préparant cette émission, je me suis posé la question, comment on peut apprécier une reprise quand on connaît pas l'original ? C'est vrai. Ouais, tu vois, très bonne question. Parce qu'en fait, voilà, ici c'est un peu le cas parce que le morceau repris par The Wedding Present est complètement différent de l'original de Tom Waits. L'original c'est beaucoup plus lent, c'est assez minimaliste en instrument et ça repose surtout sur la voix de Tom Waits en fait.

J'avoue, alors j'ai été un petit peu mesquin, hein, parce que la version qu'on a connue en 98, c'était pas la version de Gloria Gaynor, c'était une reprise de Hermes House Band, tu sais, le groupe un peu nul qui fait que des reprises, hein, ouais, ouais. Truc suédois. Moi j'aime pas Hermes House Band. L'original d'ailleurs, on la retrouve beaucoup dans des bandes-sons de films. Très récemment, on l'a entendu dans Seul sur Mars, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, mais j'irai pas le voir du coup, vu la bande-son. Ah. Et aussi, plusieurs reprises, hein. J'ai longuement hésité entre la version de Cake, sortie en 1997, et celle de Régine, hein, la version de Régine qui a fait Je te survivrai. D'ailleurs, voilà. Elle avait dit que c'est elle qui avait fait l'original. Exactement. Ouais, clamé à tout le monde. Et sinon, pour ceux qui connaissent pas Cake, c'est vraiment un bon groupe. Hein. Vous connaissez sûrement The Distance, voilà, qui est leur chanson la plus connue. Mm-hmm. Et si vous regardez Chuck, la série Chuck, la musique du générique ne vous sera pas inconnue parce que c'est aussi un morceau de Cake. Mais encore une fois, hein, c'est clairement mon credo, quand une reprise est trop proche de l'original, ça a tendance à m'ennuyer. Et là, c'est un bon exemple d'une reprise complètement transposée dans un autre style, une autre ambiance, et moi, ça me botte bien. En fait. Et bah, la transition est toute trouvée, puisque je vais vous parler de Heat Wave, un standard de Martha and the Vandellas, repris par les Who. Alors, les Martha and the Vandellas, c'était un groupe de la Motown, le fameux label de Berry Gordy, qui savait fabriquer des hits à la chaîne. Elle fut d'ailleurs écrite par le fameux trio Holland, Dozier et Holland. C'est une chanson de 1963 et on s'écoute ça tout de suite. Et comme vous l'aurez reconnu, c'était le générique de l'émission. Et oui, ça me disait quelque chose. Et voilà, petit easter eggs. Alors, il faut savoir que les Who, au début, ils faisaient que des reprises. Mmh. Et ils sont devenus carrément le meilleur groupe de reprises de tout Londres, quand ils s'appelaient les Detours. Parce qu'ils ne sont pas toujours appelés les Who. Après, ils sont appelés les Who. Après, les High Numbers. C'était leur manager qui voulait ça. Et ils sont rappelés les Who. Ils dégageaient, alors... Je sais pas si vous connaissez l'original, mais la version est beaucoup plus calme, posée. Ouais. Là, même si elle est quand même très énergique, là, les Who, ils l'ont complètement transcendé. Et à l'époque, t'as dû jamais entendu une telle violence dans une chanson, une telle... C'était un peu leur fond de commerce, aux Who, qui détruisaient, hein, régulièrement leurs instruments sur scène. Alors la chanson a été enregistrée, bien qu'ils la reprennent depuis le tout début, sur leur deuxième album, qui s'appelle A Quick One While He's Away. Ce qui signifie, en fait... Jason, toi qui en fac d'anglais, dis-le-nous. Participer un peu. Alors, se dire un petit coup pendant qu'il n'est pas là. Exactement. Et merci. C'est aussi le nom du mini-opéra, le premier mini-opéra rock d'ailleurs, parce qu'après ils vont faire Tommy, ils vont faire Quadrophenia, du mini-opéra rock qui ferme l'album. Il dure 10 minutes et il raconte l'histoire d'une little girl dont le mari est parti et du coup elle trompe son chagrin dans les bras de Ivor, un conducteur de locomotive. Sauf que, donc il se la tape et ensuite le mari revient. Et en fait, elle lui explique voilà, qu'elle était pleine de chagrin, machin, et il lui pardonne, et voilà, ça finit, super. Et si vous voulez la petite anecdote qui va dedans, à la fin de du dernier acte de cet opéra, on entend le groupe qui chante en chœur « Silo, Silo, Silo », ce qui signifie violoncelle. Mmh. En fait, c'est parce qu'ils voulaient mettre des violoncelles à ce moment-là, et le producteur n'a pas voulu. Du coup, et ben, ils en ont mis quand même des violoncelles. Et voilà, et vu que Vincent nous a gratifié de deux chansons à la suite, j'en profite moi aussi pour lancer une deuxième chanson qui s'appelle Keep Me Hanging On, qui est un hit des Supremes, qui font aussi partie de la Motown, et qui est aussi écrit par le trio Holland, Dozier et Holland. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, en fait, la Motown a une maison qui s'appelle Hitsville, et toute la journée, des compositeurs écrivent des tubes, tube sur tube, et ils mettent ça au top 50, ils le donnent à des petits groupes maison comme... Bah, par exemple, Martin de Vandellas, les Crystals, ouais. Les Supremes, les Temptations. C'était un peu une usine à l'époque. Ah, mais c'était complètement une usine. Bah, Hitsville, vous voyez bien, hein, le nom est assez évocateur. Et là, c'est une reprise du groupe new-yorkais, je crois qu'ils sont new-yorkais, de Vanilla Fudge. On s'écoute ça tout de suite. Ah, c'est du lourd, hein. Ouais, cette version est, comme vous l'imaginez, à des années-lumière de l'original, hein. C'était plus du R&B assez classique. Donc on retrouve la mélodie et les paroles, mais c'est tout. Et Vanilla Fudge, donc, c'est un groupe qui fait essentiellement des reprises. Celle-ci est issue de leur premier album de 1967, leur album éponyme. Et ils disent qu'ils cherchent, en fait, à sublimer les chansons. En fait, par exemple, celle-ci, bon, c'est assez prétentieux, mais... Ce qu'ils pensent, c'est que... Sur l'original, la musique est assez entraînante, assez gaie, alors que les paroles sont très tristes. C'est l'histoire d'une femme qui se rend compte que son homme ne l'aime pas, mais qui reste avec elle, en fait. On ne sait pas si c'est par dépit ou pas. Et en gros, elle lui dit « Mais va-t'en, tu seras plus heureux sans moi », et tout ça, c'est déchirant, quoi. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que ils l'ont vraiment très, très bien transcrit dans cette chanson. Il y a une puissance une puissance sentimentale, je ne sais pas si ça se dit. Émotionnelle. Émotionnelle, exactement, c'est le mot que je cherchais, qui se dégage. Donc voilà, c'est un très très bon groupe, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ils sont complètement cinglés, vous les regardez en live, c'est un réel plaisir. On ne sait pas s'ils se prennent trop au sérieux ou s'ils sont complètement barrés, à mon avis c'est la deuxième solution. Mais en tout cas c'est vraiment un très très bon groupe, hein. C'est un des meilleurs groupes de rock, de hard rock psychédélique de la planète. Alors on commence, moi, ma descente aux enfers dans ma playlist, hein, si tu me le permets, Noé. Désolé de t'infliger ça, mais début 1985, The Smiths a sorti How Soon Is Now, hein, un très grand morceau. Hein, l'atmosphère assez bizarre, assez lancinante, hein, d'ailleurs. Et j'ai malheureusement l'honneur de vous proposer la reprise de Love, Spit Love. Hein, pour ceux qui ça ne dit rien, vous allez tout de suite reconnaître, parce que si vous avez regardé la série Charmed, en fait. Hein, est-ce que tu as regardé Charmed, Noé ? Eh oui, quand j'étais petit, comme tout le monde. Alors, pour autant, je trouve que la série Charmed est franchement pas terrible, hein, mais je trouve la reprise plutôt cool, et je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Alors, pour être franc, Love Speak Love, hein, le groupe qui a fait cette reprise, n'a pas eu un grand succès. Hein. Je t'apprends rien, Noé, mais bon. Mais petite coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une, hein, justement. Moi, je sais pas. Et ben, Love Speak Love a enregistré cette reprise spécialement pour un film de l'époque qui s'appelle The Craft, où on suit quatre jeunes étudiantes versées dans la sorcellerie. Et morceau qui, comme je l'ai dit, va être repris pour le générique de Charm, qui met en scène aussi des sorcières. Donc il y a une petite coïncidence comme ça, je pense. Mais comme j'ai dit, le groupe a pas eu un grand succès. Hein. Le guitariste, par contre, Richard Fortus, ça te dit quelque chose ou pas, ce nom ? Non. Eh ben, il a continué sa carrière, lui, après le hiatus du groupe. Enfin, je pense que le groupe est définitivement séparé. Le split. Hein. Le split, carrément. Eh ben, on peut le retrouver dans Guns N' Roses, en tant que guitariste. Dans le line-up actuel. Ouais, depuis 2004, il me semble. Et il a même suivi en tant que musicien de scène Rihanna en tournée, donc c'est pour dire qu'il continue monsieur, son petit bonhomme. Monsieur. Mais apparemment, c'est un bon guitariste. Hein. Il était dans l'ombre de DJ HB avec les Guns. Noé, on continue ? On continue, oui, tout de suite, avec bien sûr Jolene des White Stripes. Enfin, Jolene de Dolly Parton au départ, hein, c'est probablement sa chanson la plus connue. Alors, en France, on connaît pas trop Dolly Parton, mais aux États-Unis, c'est une institution, hein, c'est la reine de la country américaine, rien que ça. Elle a même un parc d'attractions qui s'appelle Dollywood. Oh putain. Lauréat en 2010 du meilleur parc d'attractions du monde. Est-ce qu'elle a une petite coupe de 5 cm avec marqué meilleur parc d'attractions? C'est pas aussi bien que meilleur guitariste de Total Guitar. Ouais. Mais non, elle a vraiment son parc d'attractions Dollywood qui est un très très grand parc et qui est vraiment super bien. C'est pour vous dire à quel point elle est connue au pays de l'oncle Donald Trump. Ouais. Et c'est une chanson de 74. On s'écoute ça tout de suite. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Ouais, ouh. Donc une chanson d'amour déchirante. Hein. Je vois que Vincent a un peu les larmes aux yeux. Oui, parce que j'aime pas trop cette chanson à la base, je t'avoue. Hein. Je suis pas un gros gros fan. Ah, c'est quand même sympa. Enfin, sympa. C'est l'histoire d'une femme qui essaye de détourner une autre femme dont son mari pourrait tomber amoureux. Une histoire classique chantée par un Jack White très en verve. Hein. C'était pendant un live, vous l'avez bien entendu avec tout le public. Donc, ce qu'il faut savoir sur les White Stripes, hein, c'est que c'est un groupe de Détroit, comme les Stooges ou MC5, que c'est un des groupes les plus importants des années 2000, qui sont responsables du dernier, pour moi, c'est le dernier grand standard du rock. Le popopo. Le fameux popopo aussi. Ah putain, tu sais que le popopo a été inventé, c'est une invention bien française, il me semble. Hein. Ah ouais, le popopo vient de Secret Story. C'est vrai. Ça fait du mal. Hein. C'est là que le popopo a été inventé. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est Seven Nation Army, c'est un des derniers grands standards du rock. Hein. Tout le monde, tous les jeunes guitaristes et les moins jeunes d'ailleurs la connaissent. C'est un peu un Wonderwall. C'est un peu un Wonderwall, le Wonderwall des années 2000 peut-être. On vous mettra le lien en tout cas du live sur notre page de Facebook. Parce qu'il faut bien l'actualiser de temps en temps. Il faut bien faire un peu de pub. Hein. Voilà, et c'est bonne ambiance, hein. Une chanson très triste mais très déchirante pour continuer dans la joie et l'allégresse. Alors pour ce qui arrive, hein, j'en vois déjà qui vont pas être contents et il va y avoir débat, mais bref. House of the Rising Sun, hein. Alors je me base sur la version de The Animals de 1964, hein. Je préfère dire ça tout de suite, parce qu'il faut savoir que en fait bien d'autres ont fait ce morceau avant, il y a eu Bob Dylan, il y a eu Nina Simone, John Baez, et on peut remonter jusqu'à 1932, donc c'est pour dire. Donc pour tout dire, des reprises de ce morceau, en fait, il n'y a qu'à se baisser pour en trouver. Hein, voilà, ouais, pour tu jettes un caillou dans un buisson, ah, ouais, qui sort. On peut en prendre à l'appel, quoi, carrément. Johnny Hallyday, hein, j'y reviendrai plus tard. Ah bah oui, The Doors. Les portes du pénitencier. Plus récemment, il y a eu Wycliffe Jean. Ouais, je sais pas si c'est comme ça. Toto, c'est un groupe que j'aime pas trop. Toto, c'est nul. Mais j'ai choisi la version de Muse, voilà. J'en vois déjà dire « Ah, dégueulasse et tout », parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient pas. Donc, je vous propose de vous faire un avis ou de vous refaire un avis. Muse qui reprend House of the Rising Sun. Alors, de la grosse guitare, hein, beaucoup d'effets. Les envolées vocales de Matthew Bellamy. On s'écoute ça tout de suite. Ah là là, Muse, tout dans la simplicité. Alors tu dis ça, mais il y a un gros débat dans les commentaires YouTube. Et c'est souvent le cas quand on a une reprise qui déforme autant l'original. Hein. Alors, soit les gens adorent parce que le morceau il est complètement redéfini, c'est complètement nouveau à l'image du groupe et tout. Soit les gens détestent parce que c'est trop différent de l'original. L'original entre guillemets, hein, parce que c'est pas le vrai original, hein, la version de The Animals. Et surtout, moi je le répète, c'est un peu mon credo. Si une reprise change complètement d'univers, bah moi j'adore. Et je sais pas quelle est ta position là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut que ça change complètement? Est-ce moi que je crois bien, que je suis moins regardant que toi. Enfin, j'aime quand il y a l'empreinte du groupe dans la reprise. Après, je sais pas, la voix du chanteur peut changer et coller mieux au morceau. Ce genre de petits détails, en fait, je fais pas vraiment attention à ça. Après, si c'est pour avoir une reprise texto, ça sert à rien. Parce que la version de The Doors, elle est très bien, mais pour moi, elle est quand même trop proche de l'original. Voilà. Alors, justement, j'étais étonné de voir que la version de The Animals et celle de Johnny Hallyday, le pénitencier, sont sorties la même année. Ça, je savais pas du tout, tu vois. Ah, ça se faisait beaucoup en France à l'époque. Hein, ils prenaient les singles du moment et puis. En fait, Johnny l'a sorti un peu plus tard, quelques mois après, mais il s'en est inspiré de la version de The Animals. Hein. Et la version de The Animals parle d'un bordel de prostituées, parce que Rising Sun, il faut savoir que c'est une métaphore pour les bordels à l'époque. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et Johnny, ça parle de l'incarcération dans une prison. Mais j'aime pas Johnny, mais j'avoue que la version de Johnny. Ah, il faisait des bons trucs à cette époque-là, oui, quoi. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, en concert à Rennes le 17 février. Ah ouais, bah sans moi. Et il faut savoir aussi que dans mon petit cœur de joueur, ça fait plaisir parce qu'un des meilleurs morceaux de l'OST de Final Fantasy IX s'est inspiré de la version de The Animals et je le savais pas du tout. C'est pas flagrant, mais maintenant que je le sais, c'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça. Et sinon, en ce qui concerne Muse, bah, ils font souvent des reprises. Hein. Ils avaient fait Feeling Good et j'hésitais entre celle-là et Please, Please, Please, Let Me Get What I Want des Smiths. Mm-hmm. Mais elle est un peu moins bonne, je trouve. Alors, on avait déjà mis un Smith en plus. Ouais. On va enchaîner avec, pour moi, ma dernière chanson. C'est Put Your Dukes Up, John. Alors, c'est une chanson qui n'est pas très connue. La reprise non plus n'est pas très connue. En fait, l'original, c'était un groupe du début des années 2000 qui s'appelait The Little Flames, qui sont connus pour avoir dans leur guitariste Miles Kane. Le grand Miles Kane en devenir. Ah oui. Oui. Et c'est repris par, je vous le donne en mille, les Arctic Monkeys. Ah. Comme c'est original, c'était sur la face B de leur excellent single Live Before the Lights Came On. C'était qui est sorti, d'ailleurs, c'est un non-album single. Et on s'écoute ça tout de suite. Don't mind. Voilà une reprise qui caractérise bien les Arctic Monkeys à leur début, avec leur slogan Don't Believe the Hype. Ouais. La chanson, on sait pas bien de quoi elle parle, mais bon, on dirait qu'il dit à John comment on peut être une rockstar au début des années 2000, change your tune and change your air or you're not going anywhere. Sois cynique aussi, il dit B-C-Y-N-I-C. Enfin voilà, c'est une chanson très sympa, et du coup ça me permet de revenir sur cette magnifique bromance de Alex Turner et Miles Kane, parce que dans l'actualité, ils viennent de ressortir leur premier single pour le second effort des Last Shadow Puppets. Et c'est là-bas en fait que les deux bonhommes se sont rencontrés, les Little Flames, la première partie des Arctic Monkeys en 2005-2006. Et ils se sont rencontrés comme ça en fait. Et ils avaient 20 ans à l'époque, et vous voyez, c'est des amis de 10 ans puisqu'ils viennent de fêter leurs 30 ans là. Les Little Flames, bien sûr, ça n'existe plus. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais une dernière petite anecdote. Miles Kane et Alex Turner se sont fait filmer récemment en train de danser sur les Strokes pendant un festival. Ah, et la vidéo goes viral, comme on dit dans la langue de Joey Barton. Tout le monde l'a vu. On vous la mettra aussi sur la page Facebook. Voilà. Vincent, on va pouvoir conclure juste après. Est-ce que, dis-moi, tu as eu des retours sur notre première émission? Oui, on a eu quelques retours de gens qui sont ici dans la salle. Ils nous ont dit que c'était sympa. Oui, donc je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, mais c'est vrai que bon, on va pas vous le cacher, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, hein, donc on n'a pas beaucoup de retours, hein, mais voilà, il y a des retours encourageants en tout cas. Ouais, ça fait assez plaisir dans l'ensemble, et puis on prend aussi pas mal de plaisir à faire ça. Du coup, comme je le mentionnais, on a une page Facebook, on a un logo qui est prêt, mais on l'attend toujours. Merci à Jason. C'est la boîte de prod de Jason qui nous l'a fait, mais qui nous l'a toujours pas envoyé. Mais on attend la facture. On attend la facture, mais ça ne saurait tarder. Voilà Vincent, je te laisse conclure avec ton dernier morceau. Et oui, cette fois c'est à moi de terminer l'émission. J'ai choisi quelque chose de plus calme, hein. On va aller en douceur vers la fin de l'émission. Casabian, ce génial groupe anglais, moi c'est anglais Casabian, hein, Anglais, ils sont de Leicester, je crois. Leicester, ouais. D'ailleurs, on en parlait d'eux comme les successeurs d'Oasis à l'époque, je me souviens. Ah bah, voilà. Ils disaient d'ailleurs une célèbre couverture du Enemy, Oasis is gone nowhere, the biggest group in Great Britain. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Casabian était assez arrogants quand même à l'époque. Moi, je les ai vus en concert et ils sont beaucoup moins arrogants, ils donnent beaucoup d'amour à leur public. Ouais, et tout je ça. Pense c'est, qu'ils sont un petit peu calmés. C'est un peu une image, quoi, en fait. Ouais. Alors, ils étaient invités d'une radio où on demande d'habitude aux artistes de faire des petites reprises en acoustique. Hein, et les mecs choisissent tranquillou de reprendre le thème de l'émission pour enfants emblématique, Sesame Street. Alors, on n'a pas trop ça en France, mais en Angleterre, ça cartonne. Ah bah oui, les marionnettes de Sesame Street. Et tu vas voir, c'est très marrant. Au milieu, ils font un petit passage du côté de Good Vibration des Beach Boys. Ils reviennent sur Sesame Street et tout. Donc, on s'écoute ça. On vous dit au revoir déjà. On vous dit au revoir. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. Et on s'écoute tout de suite Casabian qui reprend Sesame Street. À bientôt. Good Vibration. À bientôt. 1, 2, 3, 4 Sunny day, sweeping the clouds away. On my way to where the air is sweet. Can you sell me out to get to Sesame Street? To get to Sesame Street. Sunny day, sweeping up. to get to Sesame Street, how to get to Ramsey Street.